parti. Première chanson. La deuxième partie, c'est super joli. La deuxième partie, on rajoutera 16 mesures. 132 mesures, toi. Vas-y, fais tourner ton refrain. Thank you. par un. J'en ai trouvé une autre partie. Ils se ressemblent un peu, mais qui s'assemble. Thank you. copie vachement quoi ça. Vas-y. Remixeur, Titi le remixeur. Thank you. chante. Elle est très bien, celle-là, y'a rien à faire. Tout simple. Comment ça fait de bien sûr? Attends. C'est bizarre. Ça. Pas tous les accords. Je connais que le premier nom. Alors t'as trouvé, Flouti? Attends, peut-être, ouais. Ça fait tin, tin, tin, tin. C'est les mêmes accords. Ça fait comme ça.